Chapitre 5. Albine avait pensé que, lorsqu'elle ferait à son mari l'heureuse révélation qui remplissait de joie son cœur maternel, Maximilien partagerait cette ivresse, serrerait sa femme dans ses bras, jetterait un de ces cris de larmes que l'âme comprend et recueille. Une ère nouvelle s'offrait dès lors à son amour. J'ai méconnu le comte, se disait Albine dans la généreuse préoccupation de son cœur. Il est noble, bon, dévoué. Seulement, je le comparais à des rêves, à des chimères d'enfant. Je demandais à la vie de réaliser les caprices fantastiques de l'imagination, comme si un homme d'État était un héros de roman, comme si les hommes du XVIIIe siècle pouvaient ressembler à ceux du XVIe. J'étais folle. Mais maintenant, me voici sérieuse, me voici forte, me voici mère. Plus d'exigence, j'ai des devoirs. Je ne dois plus être sévère, puisque je suis responsable. D'ailleurs, je sens que je pardonnerai tout au père de mon enfant, à celui qui m'a donné mon bonheur de mère, le plus pur bonheur qui soit au monde. Ce fut donc dans une attente pleine d'impatience qu'Albine souhaita le retour du comte. Ce fut avec un empressement tout joyeux et tout expansif qu'elle lui glissa à l'oreille en souriant le cher secret. Ce fut avec une naïve et gracieuse malice d'enfant qu'elle épia sur le visage de son mari l'effet de cette bonne nouvelle. Elle espérait qu'il allait l'embrasser avec transport, l'appeler des plus doux noms, lui faire mille questions tendres et inquiètes. Au lieu de cela, Maximilien pâlit affreusement, serra avec rage la main qu'Albine lui avait tendue, puis, voyant à quelque distance derrière lui Tobias et sa suite, sentant la nécessité de se contraindre, il passa muet et insensible devant sa femme éperdue et s'éloigna précipitamment. Albine resta debout, immobile et froide, à la place où le comte l'avait quittée, pareille à une statue de la douleur. Elle passa la main sur son front. Elle était bien éveillée. Ce n'était pas un rêve affreux. L'âme pleine d'épouvante et d'angoisse, elle regagna son appartement. Qu'avait-elle fait? Quelle faute lui avait attiré la colère de son maître? Quel crime plutôt? Car pour que cette colère tînt devant le bonheur qu'elle avait annoncé, il fallait que cela fût bien grave. Albine avait beau s'interroger sévèrement, elle ne trouvait rien dans sa vie qui motivât tant de rigueur. Peut-être avait-elle eu tort de garder si longtemps le silence. Mais enfin, si elle l'avait fait, c'était pour annoncer la nouvelle au comte, et une si légère faute ne méritait pas un si rude accueil. La pauvre comtesse, perdue dans mille doutes effrayants, seule dans sa chambre, ne savait qu'imaginer et tremblait au moindre bruit. Au bout d'une heure, la porte s'ouvrit. Un serviteur entra et lui remit une lettre. Cette lettre était de Maximilien et contenait ce qui suit. « Madame, je me borne à vous faire connaître ma volonté expresse, entendez-vous? La voici. Vous ne quitterez pas les murs du château. Vous ne paraîtrez jamais devant moi. Libre à vous de vous promener dans le préau et le jardin quand je serai sorti, et je sortirai tous les jours. Mais sur votre vie, je vous ordonne de ne pas faire un pas au-delà. J'entends aussi que vous n'écriviez à personne et que votre Wilhelmine ne se présente plus au château. Vous savez qui je suis et ce que je suis. Obéissez et ne vous commettez pas avec ma colère, sinon je ne réponds pas des suites d'un éclat que vous seul aurez amené. Maximilien d'Epstein. À la lecture de cette lettre, à laquelle elle ne comprit rien, sinon qu'elle était perdue, la comtesse demeura anéantie. Nous avons dit l'espèce d'autorité violente qu'exerçait l'implacable vouloir de Maximilien, et comme on se soumettait presque malgré soi à ce fatal et grossier pouvoir, qu'on ne cherchait pas plus à éluder que les arrêts aveugles et inévitables de la destinée. Cela était à ce point qu'Albine, sûre de ne pas être coupable, courba cependant la tête comme on le fait devant la mort et attendit. Mais, il faut le dire, dans l'attitude calme qu'elle choisit, il y eut autant de dignité que de résignation. Après tout, le sentiment de son innocence la soutenait, et n'aimant plus son mari, elle tenait moins à l'estime du comte qu'à la sienne propre. Si Maximilien ne respecte plus sa femme, se disait Albine, c'est à sa femme de garder le respect d'elle-même et de protester par sa tranquillité confiante et forte contre une injuste condamnation. Je ne sais pas même de quel crime Maximilien m'accuse, mais l'avenir porte un flambeau avec lequel il éclaire le passé. Un jour viendra donc où Maximilien reconnaîtra son erreur. Jusque-là, il sait que je reste paisible et fière. Ne comptait-elle pas trop sur ses forces, cette âme tendre qui, jusqu'à l'époque de son mariage, avait tout vu céder devant sa faiblesse? La colère d'un homme tel que Maximilien ne devait certes pas être traitée à la légère, car cette colère, une fois soulevée, ne devait pas s'arrêter à moitié chemin et se laisser détourner par un obstacle. Non, elle briserait l'obstacle et arriverait à son but. Le comte le sentait si bien qu'il avait peur de lui-même et qu'il tremblait devant son propre courroux. Saisi de rage lorsque sa femme lui annonça naïvement ce qui était un bonheur pour elle et ce qu'il croyait un déshonneur pour lui, il s'était en quelque sorte enfui devant sa vengeance. S'il n'eût écouté que ses violents instincts, il eût tué sur le coup cette femme qu'il avait trompée et qui, après l'avoir trompée, l'insultait. Mais c'eût été proclamer sa honte. Il dompta sa colère et provisoirement ne condamna sa femme qu'à la prison, comme on fait pour les criminels. Sa lettre menaçante écrite à Albine, lui aussi, il attendit. Tous deux habitaient sous le même toit. Tous les matins et tous les soirs, Albine entendait passer Maximilien dans le corridor. C'était toujours le même pas lent et sombre. Pas une seule fois ce pas ne s'arrêta devant sa porte ou ne trahit même le moindre désir de s'arrêter. Pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, il ne se virent pas une seule fois. Mais s'ils ne se voyaient pas, ils pensaient l'un à l'autre, et cela certes autant et plus que les amants les mieux unis. Le comte avait beau vouloir éloigner par la fatigue physique les sombres idées qui l'obsédaient, c'était chose impossible. L'outrage qu'il croyait avoir reçu était de ceux que les hommes de cette trempe ressentent trop vivement pour les oublier ou les pardonner. La comtesse, de son côté, avait beau se réfugier dans sa conscience et écarter toute pensée qui ne fût pas celle de son enfant ou celle de Dieu, le mystère de la conduite de Maximilien l'épouvantait malgré elle et venait troubler sans cesse le jour ses espérances, la nuit ses rêves. Le calme auquel ils se contraignaient tous deux n'était que ce calme trompeur qui précède les orages. Tous deux, ils le savaient bien, tous deux étaient saisis par l'impression douloureuse et fébrile de l'attente. Maximilien et Albine ne vivaient plus. Tous deux, avec l'apparence du calme sur leur visage, mais la mort au fond de l'âme, tressaillaient souvent aux sourdes terreurs qui oppressaient leur poitrine. Lui tremblait sans s'en rendre compte devant l'auréole de pureté dont était ceint le front de sa femme. Elle, connaissant la violence de son mari, s'attendait à tout pour le premier jour où ils se rencontreraient. Et cependant, ce fut à Albine la première que cet état devint intolérable. Forte de son innocence, elle résolut d'aller au-devant de ce danger inconnu qu'elle sentait menaçant autour d'elle. Elle avait une telle conviction de ce danger qu'après plusieurs jours de doute, ayant enfin décidé qu'elle demanderait une explication à Maximilien, voici ce qu'elle écrivit avant de lui demander cette explication. C'était, comme on va le voir, bien plutôt un testament qu'une lettre. Il ne m'est pas seulement défendu de te voir, ma bonne Wilhelmine, mais encore de t'écrire. Aussi, cette lettre ne te sera remise que si je meurs. La mort doit, ce me semble, délier de l'obéissance. Ne t'étonne pas de ces tristes appréhensions, Wilhelmine. Il faut tout prévoir dans l'état où je suis, et je ne voudrais pas cependant quitter cette terre sans t'avoir fait, à toi qui m'as toujours été si dévoué, les legs du cœur auxquels tiennent tous les mourants qui ont aimé. Mon Dieu, je ne sais pourquoi les mots viennent si tristes sous ma plume. Je suis pourtant gaie et tranquille, crois-le, ma jolie fermière. Et tiens, je souris même en ce moment au projet que nous faisions il y a 2 mois. Te les rappelles-tu? En tout cas, je vais te les redire, car de part et d'autre, ces projets étaient presque des engagements. Wilhelmine, tu m'as promis d'être la nourrice de mon enfant si je lui manquais. N'oublie pas cette promesse, car j'y compte, entends-tu bien? Je vivrai, j'espère que je vivrai pour t'en faire souvenir moi-même. Pourtant, je serai plus calme quand je te l'aurai rappelé ici, et dans un moment qu'une résolution que je viens de prendre rend solennelle. Ce n'est pas tout, Wilhelmine, écoute. Si Dieu me rappelait à lui, je suis sûre que le comte Maximilien élèverait noblement et avec soin mon enfant. Mais l'éducation de l'âme, tu m'entends, celle qu'on reçoit sur les genoux de sa mère, il n'y a qu'une femme qui sache la donner. Les hommes enseignent bien la vie, mais il n'y a que les femmes qui sachent enseigner le ciel. Par exemple, toi qui me connais, tu lui parleras bien mieux de moi que ne lui en parlera son père qui ne m'a jamais connue. Parle-lui de moi, Wilhelmine, souvent, toujours. Tâche qu'il me connaisse comme s'il m'avait vue. Puis ces caresses qui ne sont pas moins nécessaires aux petits enfants que le lait, ne les lui refuse pas, ma bonne Wilhelmine. Le pauvre orphelin, qu'il grandisse dans ta tendresse et dans ton amour. Enfin, sois-lui non seulement nourrice, sois-lui mère. Est-ce bien tout ce que j'avais à te dire? Oui, d'ailleurs, si j'ai oublié quelque chose, ton cœur devinera le reste de mes pensées. Mais tu me trouves bien égoïste, sans doute. Je ne t'ai point encore parlé de toi, pardonne-moi. Je te parlais de lui qui est en moi. D'ailleurs, en te recommandant mon enfant, tu vas voir que je n'ai point oublié le tien. Tu trouveras sous cette enveloppe 2 lettres, l'une adressée à la supérieure du tilleul sacré, l'autre au major de Knibis à Vienne. Si tu as une fille, tu l'enverras quand elle aura 5 ou 6 ans avec la première de ces lettres à ma bonne tante l'abbesse Dorothée, qui a été pour moi une seconde mère. À ma prière, Wilhelmine, elle accueillera tout de suite ta fille dans le couvent où j'ai été élevée avec les premières héritières de l'Allemagne. Oh, heureux temps où je chantais si joyeusement les cantiques du Seigneur et où la perte de ma colombe était ma plus grande peine. Là, Wilhelmine, sois tranquille, ta fille recevra une bonne et sainte éducation. Si tu avais un fils, envoie-le au major qui le fera entrer dans un collège ou qui le placera dans une école militaire. Ce cher major, c'était l'ami intime de mon père. Il ne manquait pas un jour de venir à Winkel. Je me rappelle Quel plaisir je prenais à le taquiner, et avec quelle grâce et quelle bonté il se prêtait à mes innocentes malices, ou même les provoquait. Qu'est-ce qui dirait, en me voyant aujourd'hui, chère Wilhelmine, que j'ai été la plus folle et la plus étourdie des jeunes filles? Le major n'aura certainement pas oublié sa petite Albine, et pour l'amour de moi, il accueillera ton fils comme s'il était le mien. Je voudrais que nous eussions chacune un fils ou chacune une fille. Nos enfants seraient frères ou sœurs. Fais pour le mien, si je meurs, ce que je ferai pour le tien, si je vis. Adieu, ma Wilhelmine. Dans tous les cas, j'ai une conviction. C'est que les âmes ne meurent pas, et la mienne ne quittera point celle qui ne quittera point mon enfant. Je mets pour mon pauvre petit ange une boucle de cheveux dans cette lettre qui ne te parviendra que si je m'en vais de ce monde. Adieu, encore une fois adieu, n'oublie rien, n'oublie rien. Albine d'Epstein, née Schwalbach. 24 décembre 1793. Postscriptum. J'oubliais encore un enfantillage. Si j'ai un fils, je souhaite qu'il s'appelle Everard, comme mon père. Si j'ai une fille, je désire qu'elle s'appelle Ida, comme ma mère. Cette lettre écrite, Albine fut un peu plus tranquille. Rien ne rafraîchit l'âme comme une résolution prise, et Albine était décidée à faire rompre à Maximilien ce silence sombre, obstiné, terrible. Sa première parole, dut-elle en éclatant, fatale comme la foudre, la frappée de mort. La journée s'écoula plus rapide pour Albine que les autres journées, car elle pensait sans cesse que chaque minute qui s'écoulait amenait l'heure décisive, le moment suprême. Les dernières heures eurent des ailes. La nuit vint. La comtesse fit allumer plusieurs bougies. Il lui semblait que plus la chambre serait éclairée, mieux on verrait le calme de son front, plus on pénétrerait l'innocence de son âme, plus elle serait forte enfin. Puis elle écouta. À l'heure accoutumée, elle entendit le bruit des pas de Maximilien. Elle ouvrit la porte et s'avança dans le corridor. Maximilien parut au haut de l'escalier. Il était conduit par un domestique qui l'éclairait en le précédant. Quand il aperçut Albine, il s'arrêta un instant, étonné. Le valet continua sa route, s'inclina en passant devant la comtesse, puis vint le tour de Maximilien. Il allait passer sans rien dire, mais avec une fermeté dont Albine elle-même se serait crue incapable, elle lui posa la main sur le bras. Au toucher de cette main, l'homme de fer tressaillit. « Que voulez-vous, madame ? » dit Maximilien. « Un moment d'entretien, comte, » répondit Albine. « Et quand cela ? » « Sur le champ, si vous le voulez bien. »« Comment, ce soir ?»« Ce soir. »« Madame !» dit Maximilien avec menace. « Je vous en prie. »« Vous vous rappelez le conseil que je vous avais donné de laisser dormir ma colère. Vous venez l'éveiller, c'est vous qui le voulez, madame. Eh bien, soit, je suis à vos ordres. » Ils se regardèrent tous deux à la clarté vacillante du flambeau. Ils étaient aussi pâles l'un que l'autre. Ce moment décisif, si longtemps redouté et qu'on savait inévitable, cependant, il était venu. Peut-être, du fond du cœur, après l'avoir plus d'une fois souhaité, tous deux eussent-ils voulu le remettre. Mais il était trop tard. Une impulsion plus forte que celle de leur volonté les poussait en avant. « Madame !» dit après une pause le comte d'une voix altérée. « Il en est temps encore. Dites-moi de me retirer et de rentrer dans mon appartement. Je sens que vous êtes souffrante et à parler vrai, je vous en préviens, je ne puis répondre de moi, madame. Faites-y bien attention. Voyons, souhaitez-vous que nous nous retrouvions tout de suite face à face ou que nous ajournions encore notre explication ?»« Non, pas d'ajournement. » répondit la comtesse. Il y a assez longtemps que j'attends, et je n'ai rien à redouter, moi. Suivez-moi donc, s'il vous plaît. » Le comte fit signe au valet de porter la lumière dans sa chambre et suivit sa femme dans la sienne. La comtesse entra la première et ferma la porte après le comte. Tant de fermeté rendait Maximilien presque interdit. Il la regarda faire avec étonnement. Puis, voyant que la comtesse venait se replacer en face de lui et fixait ses yeux calmes sur les siens, « Madame, madame, dit-il, prenez garde, j'ai à vous demander un compte sévère de vos actions, de toutes. » « Et moi aussi, monsieur, dit la comtesse, j'ai à vous accuser, vous me calomnierez après, si vous voulez. » « Parlez donc la première, dit le comte, mais vous êtes pâle et souffrante. Asseyez-vous donc, de grâce, ajouta-t-il avec une galanterie terrible et en avançant un fauteuil à la comtesse. La comtesse s'assit. Maximilien resta debout, les bras croisés, les lèvres serrées, le regard sombre. On était dans cette grande chambre rouge, la chambre de la famille, que la comtesse avait continué d'habiter pendant l'absence de Maximilien et que Maximilien lui avait laissée à son retour. Cette chambre était éclairée par 4 bougies, mais elle était si vaste qu'à peine si la lumière atteignait les murs du fond. Le lit se dessinait dans la demi-teinte avec ses grandes tentures, et les rideaux mouvants tremblaient devant les fenêtres à travers lesquelles se glissaient quelques souffles de la brise hivernale. Il y eut un instant de silence. Puis, d'une voix ferme et assurée, la comtesse reprit. « Monsieur, j'étais près de mon père, jeune fille calme, heureuse et adorée. Je riais, je courais, je jouais. Le bonheur débordait de mon âme et l'enthousiasme de mon cœur. L'enthousiasme n'est pas une vertu vulgaire, croyez-le, monsieur, et cependant, c'est cette vertu qui m'a perdue. Vous êtes venu, et pauvre folle que j'étais, j'ai trouvé que vous ressembliez à mes rêves. J'ai vu en vous un vrai gentilhomme, chevaleresque, brave, ardent. Vous, cependant, monsieur, vous m'épousiez pour des richesses et pour un titre. « Madame, interrompit le comte d'une voix sourde et quelque peu railleuse. Dès que j'ai été votre femme, continua Albine, vous n'avez même plus pris la peine de me tromper et d'entretenir des illusions qui vous devenaient inutiles. Mon Dieu, il me semble pourtant qu'il y avait quelque chose à faire de ma vie. Vraiment ? S'écria Maximilien avec un rire amer et éclatant. « J'ai vu, monsieur, j'ai vu, poursuivit la comtesse, s'effeuiller une à une toutes mes croyances, sans lesquelles j'eusse cru qu'il m'était impossible de vivre. Alors, je me suis rappelé une parole de ma bonne mère, l'abbesse du tilleul sacré. « Mon enfant, me dit-elle, lorsque je la quittais pour ne plus la revoir, si jamais le bonheur te manque, « réfugie-toi dans le devoir. »« Ah, oui, da !» interrompit encore le comte, et son accent sardonique avec quelque chose d'effrayant. « Docile à ce souvenir, reprit la comtesse avec la sérénité d'un ange, j'ai mis toute ma vie dans l'obéissance, toute ma vertu dans la résignation. Mais je m'étais armée contre l'oubli et non contre la haine, contre l'indifférence et non contre le mépris. Je ne vous reproche pas, monsieur, ma jeunesse trompée, mes songes détruits, mon existence perdue. Je ne réclame pas de vous un amour impossible, mais j'ai droit, du moins, de revendiquer votre respect. Je veux ne pas rougir devant mes gens. Est-ce trop exigé, monsieur le comte ? Répondez, dites. « Vous avez fini, n'est-ce pas ? » répondit Maximilien. « À mon tour, alors, s'il vous plaît. » « Je vous écoute, monsieur, répondit la comtesse. Je commencerai par vous dire que je n'ai point à m'occuper de ces puérilités de pensionnaire dont vous m'avez d'abord entretenu. Le temps d'un homme est assez précieux, je suppose, pour ne pas être gaspillé à de pareilles chimères. Et si je n'ai pas réalisé les songes de votre tendresse, Avez-vous réalisé, vous, les projets de mon ambition ? « Oh, mon père, vous me l'aviez prédit !» s'écria Albine. « Un ambitieux de cordon, un ambitieux de titre, dont tous les efforts ont pour but d'être grand croix au lieu d'être commandeur, d'être duc au lieu d'être comte, et il appelle cela de l'ambition. Et il vient me parler de son ambition. « Attendez, madame !» dit le comte, rougissant de colère et frappant du pied. « Ce n'est pas de tout cela au bout du compte qu'il s'agit, et vous le savez bien. »« Non, je ne le sais pas, car c'est pour le savoir que j'ai désiré avoir avec vous cet entretien. »« Eh bien, je vais vous le dire alors. Je vous avais confié mon nom et mon honneur. Qu'en avez-vous fait, madame ? Ne mentez pas, n'hésitez pas, ne prenez pas vos mines de sainte et vos airs de martyr, c'est inutile. La question est claire, répondez-y clairement. » « Même dans les choses frivoles, je n'ai jamais menti. »« Eh bien, dites-moi donc alors, loyale épouse, dites-moi ce que c'était que cet homme, ce Français, ce capitaine Jacques. » À ce mot, Albine comprit tout. Elle sourit et regarda un instant le comte d'un air de pitié. Puis elle dit « Ce capitaine Jacques, monsieur, c'est un blessé à qui j'ai sauvé la vie, peut-être, et qui m'a sauvé l'honneur, certainement. Et voilà pourquoi il vous nommait Albine, voilà pourquoi vous le nommiez Jacques, voilà pourquoi vous l'appeliez mon ami, voilà pourquoi, n'osant pas vous donner le même nom, il vous appelait ma sœur, voilà pourquoi il était toujours dans cette chambre avec vous, voilà pourquoi vous ne vous quittiez pas d'une minute, voilà pourquoi, enfin, vous pleuriez quand il est parti. Ah, monsieur, dit la comtesse en se levant. Oh, ne jouez pas la fierté, ne simulez pas l'indignation, madame, reprit Maximilien, s'exaltant à sa parole. Ne souriez pas avec ce dédain, ne me regardez pas avec ce mépris, je vous le conseille. Si l'un de nous deux doit mépriser l'autre, c'est le mari outragé et non la femme coupable. Pauvre Maximilien, murmura Albine. Ah, ah, de la pitié maintenant ! Prenez garde, madame, ne me poussez pas à bout avec votre insultante froideur. Prenez garde, madame, prenez garde, je n'ai pas le sang patient. Cet homme a été votre amant, je vous dis qu'il l'a été, mais je me vengerai, soyez tranquille. Je me le suis juré tout bas et je vous répète mon serment tout haut. Donc, au lieu de sourire, madame, je crois que vous feriez mieux de trembler. « Je ne tremble cependant pas, monsieur, » dit Albine, impassible. « Voyez plutôt. »« Et que faites-vous, alors ?»« Je vous plains. »« Oh, en voilà assez ! Tenez !» s'écria le comte avec explosion. « Arrêtez-vous là et pliez plutôt devant ma colère. »« Vous vous tenez debout, hautaine et insolente, espérant me duper sans doute, à force d'impudence. »« Mais je vous répète que je sais tout. » Qu'on ne me trompe pas si aisément que vous l'avez cru, que vous vous êtes prostituée à cet homme, et que cet enfant que vous portez n'est pas le mien, mais l'enfant de l'adultère. Entendez-vous, madame ? Entendez-vous ? Osez me regarder en face maintenant. Vous l'osez ? Elle l'ose, la misérable. Abaisserez-vous ce regard ? Vous ne voulez pas, infâme, encore ce sourire ? Ah ! Maximilien marcha furieux vers la comtesse, ébloui, aveuglé par la rage, un nuage de sang devant les yeux. Albine, calme, le regard assuré, un sourire triste sur les lèvres, regarda venir l'orage sans faire un pas en arrière, sans dire une parole, sans faire un geste pour l'éviter. Le comte s'arrêta frémissant, enflammé à un pas d'elle. Une seconde, ils restèrent ainsi, debout face à face, éperdus tous deux, lui invoquant l'enfer, elle priant le ciel. Mais Maximilien ne put supporter longtemps la muette insulte de tant de sérénité. Et appuyant ses deux mains sur les épaules de sa femme, « Une dernière fois, cria-t-il d'une voix tonnante, pliez, demandez grâce à genoux. » Malheureux insensé, dit Albine. Elle n'avait pas achevé qu'une imprécation terrible retentissait et que les deux mains violentes et impies du comte avaient fait plier comme un roseau et jeter rudement à terre la frêle créature qui le bravait. La tête d'Albine alla frapper l'angle du fauteuil où elle était assise un instant auparavant. Le sang jaillit, et elle s'évanouit en murmurant « Mon enfant, mon Dieu, mon enfant !» Maximilien demeura un instant devant ce corps inanimé, l'œil fixe, immobile, et comme stupéfait de son propre crime. Puis, s'arrachant à cette torpeur, il s'élança hors de la chambre en criant « Au secours ! Au secours !» Les domestiques accoururent au bruit. On transporta la comtesse, toujours sans connaissance, sur son lit. Et on alla chercher le chapelain qui, ainsi que nous l'avons dit déjà à propos du capitaine Jacques, avait fait des études de médecine. « Je ne sais comment cela s'est fait, » balbutia le comte. « Elle est tombée et son front a heurté un meuble. Le pied lui aura glissé. » Et en prononçant ces paroles, Maximilien se souvint de la pauvre Gretchen, la fille du bailli, à qui le pied avait glissé aussi et qui était morte victime non pas de sa colère, mais de son amour. Ainsi cet homme brisait toutes les existences qu'il touchait. Maximilien pâlit affreusement à cette pensée et s'appuya sur la cheminée, essayant de se remettre, car les valets le regardaient et le chapelain venait d'entrer. Albine ne reprenait pas ses sens, tant la secousse avait été violente. C'était cependant l'âme plutôt que le corps qui avait été brisé. Le chapelain ne savait comment ranimer la comtesse. L'eau froide n'y faisait rien, les sels étaient impuissants. Mais bientôt le miracle que ne pouvait faire l'art, la nature l'opéra. Les douleurs de l'enfantement prirent la comtesse. Albine rouvrit les yeux, mais ses yeux restèrent égarés. Elle recouvra la parole et non la raison. Le délire s'empara d'elle. Les mots incohérents qu'elle laissait échapper dans sa fièvre, incompréhensibles pour tous les assistants, avaient pour son mari seul, une signification terrible. Le chapelain déclara que si quelque habile médecin n'arrivait point de Francfort à son aide, non seulement il ne répondait pas de la mère, mais ne répondait pas non plus de l'enfant. Aussitôt, un des domestiques du comte partit pour la ville, menant un cheval en bride, afin que sans retard le docteur pût arriver. Le délire allait croissant. « Je meurs, » disait Albine entrecoupant ses tristes paroles de tristes plaintes, car l'harmonie détruite dans la raison était restée dans la douleur. « Je sens mon âme qui se détache de moi. Oh, qu'elle ne remonte pas à vous tout entière, mon Dieu. Que j'en puisse laisser la moitié à mon enfant, le vôtre Maximilien, entendez-vous, le vôtre. Oh, sur le seuil de l'éternité, je le jure. Maximilien, où êtes-vous? Maximilien, vous vous êtes cruellement trompé. Oh oui, bien cruellement. Mon Dieu, que je souffre. Si vous saviez, Maximilien. Mais ce secret n'est pas à moi. Il m'a fait jurer de ne pas le dire. Un jour, vous saurez. Un jour, par lui-même. Un jour, il reviendra. La mort, la mort. Mais la mort n'est pas le terme, n'est-ce pas, monsieur le chapelain? Le cercueil, c'est le berceau du ciel. Et vous, mon père, mon bon père, donnez-moi la main. Mon père, j'ai une prière à vous adresser, à vous seul. Tâchez que Maximilien n'entende pas ce que je vais vous dire. Mon père, écoutez, vous trouverez sous mon chevet une lettre pour Wilhelmine. Au nom de Jésus, remettez-la lui. « Dites-lui, mon père, dites-lui que je meurs, mais que je reviendrai voir si elle fait bien ce que je lui ai demandé. Vous savez, mon père, les comtesses d'Epstein qui meurent pendant le jour ou la nuit de Noël ne meurent qu'à moitié. Oh, mon enfant, mon pauvre enfant, Dieu m'exauce, Dieu m'exauce. Je te sens plus maintenant que je ne me sens moi-même. Je te donne mon cœur. Je te transmets ma vie. Prends tout et que je meure. Oh, monsieur le chapelain, sauvez-le et ne vous inquiétez pas de moi. Moi, je suis perdu. » En ce moment, minuit sonna et le comte tressaillit. En effet, comme l'avait dit Albine au milieu de son délire, on entrait dans la journée de Noël. La comtesse allait toujours s'affaiblissant. « Adieu, adieu, » disait-elle, « je vous pardonne, Maximilien, mais aimez votre fils, aimez-le. Mon père, me voici. Ah, ah, c'est aujourd'hui Noël. Ah, je me meurs. » Albine, qui, dans un dernier mouvement d'agonie, s'était soulevée presque sur son séant, retomba sur son oreiller et expira. Maximilien s'élança vers le lit et prit Albine entre ses bras. Mais, quoiqu'elle fût morte, il sentit tressaillir l'enfant dans son sein et recula comme épouvanté. En ce moment, le médecin de Francfort arriva. On fit sortir tout le monde et même Maximilien. Il s'agissait de sauver l'enfant par une opération terrible. Une heure après, du sein de la mère déjà froide, un enfant fut tiré vivant. Étrange mystère qui fait sortir ainsi la vie de la mort. La sympathie n'est-elle pas plus intime alors entre la mère et l'enfant? Et l'âme de l'enfant, dites, messieurs les philosophes, répondez, messieurs les médecins, l'âme de l'enfant ne semble-t-elle pas un dernier soupir de la mère? Le chapelain entra dans la chambre du comte, qu'il trouva la sueur au front, et lui remettant la lettre trouvée sous le chevet de la comtesse et adressée à Wilhelmine, « Monseigneur, lui dit-il, vous avez un fils. » Le comte ouvrit la lettre, qui n'était point cachetée, la parcourut des yeux et répondit, « C'est bien, vous l'appellerez Évrard. » Le même jour où un fils naissait à Maximilien au château des comtes d'Epstein, la fille de Wilhelmine venait au monde dans la chaumière du vieux Gaspard.